بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له. ومعنى قوله جل وعلا ليعبدون أي يوحدون. الله سبحانه وتعالى خلق العباد il a créé العباد afin qu'il l'adore. Comme il a dit dans ce verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens de ليعبدون أي يوحدون أي afin qu'ils m'unifient dans l'adoration. ويقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر الناس ويرشدهم أن يقولوا لا إله إلا الله، كما في حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو في السوق: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا الله سبحانه وتعالى a envoyé tous ses messagers avec une parole qui est لا إله إلا الله. Et le prophète عليه الصلاة والسلام sortait dans les marchés et ordonnait aux gens, les appelait à dire لا إله إلا الله. Dites لا إله إلا الله et vous réussirez. Et cette parole لا إله إلا الله, il est primordial de connaître son sens. Il ne suffit pas de dire « La ilaha illallah » en tant que parole seulement, sans avoir une croyance ferme. Donc le sens de « La ilaha illallah » est d'affirmer et de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il faut renier toute adoration pour autre que lui. Comme il est détaillé dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager avec ce message qui est d'adorer Allah et de s'écarter du At-Tarut. At-Tarut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme idole. Wa kalimat at-tawhid hiya kalimat la ilaha illallah laha ruknan wa huma an-nafy wa al-ithbat. Fa la ilaha tanfi al-ibada li ghayri Allah subhanahu wa ta'ala kama fi qawlihi ta'ala wajtanibu at-tagut. والإثبات في إلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له كما في قوله جل وعلا أن يعبدوا الله تثبتها أيضا. ولهذا كان المشركون يفهمون هذا المعنى حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فتعجبوا من هذا. قال الله عز وجل حكاية عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Ce qui est important à connaître dans Kalimat al-Tawhid pour qu'elle soit acceptée au frère d'Allah Jalla wa Ala, c'est que cette Kalima la ilaha illallah possède deux piliers qui sont l'affirmation et la négation. Donc la ilaha, c'est un nafi, une négation. Donc personne ne mérite l'adoration. Et la deuxième partie qui est illallah, al-ithbat, et l'affirmation. On affirme al-ibada, l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tel qu'il est cité dans le verset qu'on a lu précédemment: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Donc أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ a le même sens que لا إله إلا الله. النفي والإثبات, l'affirmation et la négation. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam disait aux mushrikines de prononcer cette kalima la ilaha illallah, il refusait de prononcer cette parole. Pourquoi? Parce que il connaissait le sens de cette parole. Donc la ilaha illallah, son sens était connu des mushrikines. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils étaient étonnés lorsque le rasoul alayhi salatu wassalam les incitait à dire cette parole. Il leur a dit de dire la ilaha illallah. Donc ils étaient étonnés. لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. A-t-il réduit nos idoles en une seule idole? C'est quelque chose d'étonnant. Pour ça que les mushrikoun كانوا عارفين بمعنى لا إله إلا الله. Donc les mushrikoun savaient et connaissaient le sens de لا إله إلا الله. وهذا التوحيد هو أول الواجبات وهو أول ركن الإسلام وهو حق الله جل وعلا على عبيده. Donc le tawhid est le premier des piliers de l'islam, tant il est important et essentiel pour l'acceptation des œuvres. Et on se base sur le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, fi sahihayn, fi al-Bukhari wa Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, ila akhir al-hadith. Donc la preuve de cela, le hadith de Ibn Umar, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est basé sur cinq piliers. Le premier est Ash-Shahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Le deuxième est At-Tawhid. C'est le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède sur ses serviteurs. Et la preuve de cela est le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Où le prophète alayhi salatu salam qala lahu Ya Mu'ad, atadri ma haqullahi ala al-ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an yu'bad Allahu wa la yushraka bih. Le prophète alayhi salatu wassalam demande à Mu'ad, « Ya Mu'ad, connais-tu le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs ?» Il dit « Allah wa rasuluhu a'lam » Donc il lui dit « Le droit d'Allah jalla wa ala sur ses serviteurs est qu'Allah soit adoré et que nul lui soit associé et lui vouer un culte exclusif. » Dans toutes les adillas, on va retrouver ces deux piliers qui sont l'affirmation et la négation. Contrairement aux mushrikin qui adoraient Allah et adoraient d'autres idoles. Donc ils ne pouvaient pas dire la ilaha illallah. Et même s'ils auraient dit la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas accepté leurs actions. C'est pour ça que Rasul alayhi salatu wassalam les a combattus pour qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils vouent un culte exclusif à Allah jalla wa ala fil ibadat. At-tawhid, c'est la chose la plus importante qui permettra à celui qui la prononce avec sincérité, tout en comprenant son sens, elle lui permettra bi'idhnillah d'avoir la réussite fi dunya wal akhirah. Voilà, c'est tiré du hadith où le Rasoul alayhi salatu wassalam leur disait lorsqu'il était au marché, ya ayyuha an-nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Le falah, c'est la réussite. La réussite elle est fi dunya wal akhirah. Et cette kalima, hiya kalimat at-tawhid, elle provient du verbe wahada. Wahada yuwahidu tawhid. En arabe, c'est le masdar. Le masdar qui est tiré du verbe wahada, qui veut dire unifier. Donc l'unification, il y a at-tawhid. Cette kalima, Allah subhanahu wa ta'ala, a élevé at-tawhid hada. Sha'nuhu azim inda Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle possède beaucoup de mérites. Kathir min al-fada'il. Étant donné sa place dans le din al-islam. Donc le premier des mérites, anna at-tawhid est une expiation des péchés. Comme dans le hadith, « Man qala la ilaha illallah, dakhla al-jannah. Man qala la ilaha illallah, thumma mata ala thalik, dakhla al-jannah. » وكذلك hadith Anas, radiyallahu anhu, qala, « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala, « Yabna Adam, law ataytani bi qurabi al-ard khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. » Donc le hadith de Anas où Allah subhanahu wa ta'ala parle à Ibn Adam, à l'être humain. Il lui dit que si tu viens, tu me rencontres avec énormément de péchés, mais que tu ne m'as pas associé à autre que moi, il lui apportera autant de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala c'est arham ar-rahimin. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah jalla wa ala yawm al-qiyama pourra tout pardonner à Ibn Adam sauf al-shirk. Cheikh al-Uthaymin Rahmatullah alayhi a dit en explication du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata 'ala dhalik illa dakhala al-jannah. Fa qala Abu Dharr qultu wa in zana wa in sarq qala wa in zana wa in sarq qultu wa in zana wa in sarq qala wa in zana wa in sarq قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. متفق عليه الحديث. لو بروفيت عليه الصلاة والسلام أدي ما من عبد n'importe quel croyant ou serviteur dira « La ilaha illallah » et comme cité précédemment, il faut donc connaître son sens et appliquer ce qu'elle comprend, comme « al-nafi wal-ithbat » donc « al-ikhlas » et ne pas la dire « bimujarrad al-qawl » ce n'est pas qu'une parole, mais il faut qu'elle elle vienne du cœur et que la personne soit sincère. « Thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah » donc la personne qui meurt en ayant dit « La ilaha illallah » entrera « fil jannah » Abu Dhar était étonné de cette parole du prophète alayhi sallam. Il lui dit, وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَا même s'il a forniqué et volé, il lui dit, même s'il a forniqué et volé. Il lui a répété cela trois fois. Cheikh Al-Uthaymin, lorsqu'il a commenté ce hadith, dit que même si le croyant commet des péchés grands et petits, sa destination finale sera au paradis. Là, les croyants se divisent en deux catégories. يَوْمَ الْقِيَامَةِ pour celui qui aura fait tawba, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ il entrera au paradis directement, sans se faire châtier. Tandis que celui qui meurt en ayant dit « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » en étant croyant, celui-là sera « Tahta mashiatillah azza wa jal ». Allah subhanahu wa ta'ala pourra lui pardonner et le faire entrer au paradis sans le châtier, « Fa innahu arhamur rahimin » ou bien il le purifiera de ses péchés par rapport à ce qu'il avait commis « fi dunya ». قال الله جل وعلا « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna thalika liman yasha » Donc tout ça « Yata'allaq bi mashiatihi » C'est selon la permission ou la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Il pardonne tout sauf al-shirk, sauf l'association. Un tanbih à faire par rapport à ce hadith, Abu Dhar dit « wa in zana wa in saraq » même s'il a forniqué et volé, certains pourraient comprendre que la personne peut se laisser aller dans le ma'asi, dans le ma'asi ou le mukhalafat. Ce hadith est expliqué par un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا C'est ça, الشهيد من الآية وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا Ce sont des croyants, ils ont fait des مخالفات, ils ont eu des péchés, mais ils ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا Ils n'ont pas insisté, n'ont pas persisté dans leur péché. Allah Jalla wa Ala a dit أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ À eux, Allah Subhanahu wa Ta'ala leur pardonnera. Tandis que celui qui est mustamir et persiste dans ses péchés يُخْشَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتْ عَلَى ذَلِكَ On a peur qu'il ait une mauvaise fin. Donc, le Nabi alayhi salatu wasalam إِنَّمَا الْأَعْمَالِ بِالْخَوَاتِمِ Les œuvres les plus importantes sont sur lesquelles رَبِّ الْعَالَمِينَ prendra notre âme. الخواتم. Les dernières des œuvres seront les plus importantes. Le deuxième des mérites, أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إلا أن قال فإذا هو سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ثم قام فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم الحديث متفق عليه Donc ce deuxième mérite que celui qui complétera son tawhid entrera fil jannah sans rendre de compte, sans être châtié. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il lui a été montré toutes les communautés, dont la sienne. Et parmi sa communauté, 70 000 entreront au paradis. Les sahaba donc, se posaient des questions entre eux, quels sont ces 70 000 qui entreront au paradis. Ils ont émis plein d'hypothèses. Après, le Rasoul, alayhi salatu wassalam, leur a éclairci les caractéristiques de cela. Il dit, « Humul ladhina la yastarqoun » Yastarqoun, c'est le fait de demander al-ruqya, al-istirqa. Istirqa, c'est talab al-ruqya, le fait de demander al-ruqya. Donc ces croyants-là sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, que la ruqya leur soit faite. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Hum alladhina la yastarqoun » En fait, ces gens-là s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala et placent leur confiance en lui. Ce n'est pas au moindre mal. Lorsqu'il va leur arriver le moindre mal, ils vont direct se retourner vers les gens. Là, ils se retournent vers al-khaliq et qui repousse tout le mal. Et sache, ayyuhal mu'min, anna la plus bénéfique des protections, ou bien des ruqya, la plus bénéfique, c'est celle que le croyant se fait à lui-même. Donc, هذا هم الذين لا يسترقون. C'est pour ça que le Rasul alayhi salatu wassalam a appuyé sur ce sens, هم الذين لا يسترقون. La seconde caractéristique, هم الذين لا يكتوون. الاكتواء, ils sont ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, qui est le fait de se soigner ou fermer des plaies à l'aide de la chaleur du fer. Mais le mieux est d'utiliser d'autres moyens de guérison, comme le prophète alayhi salatu wassalam le disait lui-même. Ma uhibbu an aktawi, il n'aime pas se cautériser. La troisième des caractéristiques de min ha'oula innas, min ha'oula al-mu'minin, que ces gens-là, ils ne prêtent aucune attention aux présages. At-tatayyur. Qal nabi alayhi salatu wassalam, at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk. Wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Donc ne pas faire attention aux présages. At-tiyara. At-tiyara, elle fait partie du shirk. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a bayyan dans ce hadith, où il dit trois fois, il a répété trois fois, dû à son importance, sa gravité, at-tiyara tu shirk. Et dans la fin du hadith, il dit que chacun parmi les bani Adam peut être touché par at-tiyara. Il dit, Allah, walakin Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Et le fait que le mu'min, s'il lui parvient quelques doutes, ou hakada, yatawakkal ala Allah, fat-tiyara tadhab. Et de ce hadith, on passe directement à la quatrième des caractéristiques qu'on vient d'entamer, qui est At-Tawakkul. At-Tawakkul est présente chez tous les mu'min. قال الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Et placez votre confiance en Allah si vous êtes croyant. Donc tous les croyants ont un minimum de Tawakkul. Après, elle varie selon le degré de foi. والإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والتوكل هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار واتخاذ الأسباب الشرعية. Et التوكل, c'est le fait de placer sa confiance à Allah et de s'en remettre qu'à lui, car c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, qui reprend toutes choses. C'est lui Al-Razzaq, c'est lui Al-Jabbar, c'est lui qui décide de toutes choses. Donc, ce qui est important, donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est de se concentrer sur ces quatre points. Que le Rasoul alayhi salatu wassalam, هم الذين لا يسترقون, لا يكتوون, لا يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون. De travailler, de faire des efforts pour parfaire ces quatre points, afin de fortifier notre التوحيد بإذن الله عز وجل, et de faire partie من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. صلى الله من فضله. Donc le troisième des mérites, هو أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Donc ce troisième point, c'est que le meilleur des rappels est « La ilaha illallah ». Donc on a cité le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que le meilleur des rappels est « La ilaha illallah ». Et dans le hadith de Talha ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit que la meilleure des paroles qu'il ait pu prononcer lui, et les prophètes avant lui, est « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah ». Wahdahu la sharika lah. Donc, il y a « kalimat yasira, walaha fadlun azim ». Kalimat « La ilaha illallah, hiya afdalu al-dhikr, wa hiya afdalu al-hasanat ». Fa'an Abi Dhar, radiyallahu anhu, qala, « Qultu ya Rasulallah, awsini ». Qala, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza amilta sayyiatan, fa'atbi'aha hasana, tamhuha ». قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم هي أفضل الحسنات. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. C'est la meilleure des حسنات. لا إله إلا الله est la meilleure des حسنات. Parce que Abu Dhar رضي الله عنه a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام de le conseiller. Il lui dit عليه الصلاة والسلام, lorsque tu commets une faute, un péché, fais-la suivre d'une bonne action, elle l'effacera. On a aussi la parole d'Allah, Jalla wa Ala, « Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at ». Et les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Abu Dhar, radiallahu anhu, a dit au messager d'Allah, est-ce que la ilaha illallah fait partie des hasanat? Il lui dit, alayhi salatu salam, c'est la meilleure des hasanat. Et comme taqaddam, hiya asluddin. Hiya asluddin, hiya huwa at-tawhid. Le quatrième des mérites, anna at-tawhid, yuthmiru kalimatan tayyibatan wa amalan saliha. قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال الإمام ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية أن كلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. وقال الشيخ السعدي رحمة الله عليه هي شهادة أن لا إله إلا الله. Donc le tawhid, le quatrième des mérites, est que le tawhid fait naître de belles paroles et de belles œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il compare le tawhid du croyant qui est ancré dans son cœur et enraciné, tel un arbre dont les racines sont profondes, comme la ilaha illallah dans le cœur du croyant. Ensuite, il a comparé les branches de cet arbre qui s'élève dans le ciel et qui donne des fruits en abondance aux branches du tawhid qui donneront aussi des fruits. Et les fruits de la ilaha illallah, lorsque la ilaha illallah sera ancrée dans le cœur du muslim, du mu'min, elle donnera des fruits. Et ces fruits-là sont les bonnes œuvres, les bonnes paroles, les bons comportements et tout ce que la sharia islamia a appelé comme le Qur'an Nabi alayhi salatu wassalam « Innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq » Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, « Innama bu'ithtu » et j'ai été envoyé pour parfaire les comportements. Donc celui dont le tawhid est qawi, est fort, est fortifié, est ancré dans son cœur, bi'idhnillah jalla wa ala, donnera des fruits, des bons comportements et des bonnes œuvres. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام المواقعين وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح. ابن القيم رحمه الله عليه a dit concernant cette parole qui est la ilaha illallah, cette belle parole qui est la ilaha illallah fera apparaître, fera naître une multitude de belles paroles accompagnées de bonnes œuvres. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dans le hadith de Nu'man ibn Bashir où le prophète عليه الصلاة والسلام dit que dans le corps il y a une partie. Donc, si elle est bonne, tout le corps suivra et tout le corps sera bon. Et cette partie du corps est le cœur. Donc si le cœur est bon, tout le reste sera bon. Al-Fadila al-Khamisa, le cinquième des mérites من هذا التوحيد من هذه الكلمة أن كلمة التوحيد أثقل شيء في الميزان أثقل شيء في الميزان. قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المعروف بحديث البطاقة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى أن قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورواه الإمام أحمد والترمذي. لا إله إلا الله est la chose la plus lourde dans la balance. Comme dans ce hadith, qui est ma'roub, hadith al-bitaqa. Al-bitaqa est la carte. Une carte où sera inscrit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ». Et malgré que ce croyant ait commis beaucoup de péchés, il y a 99 registres à perte de vue qui lui seront exposés, seront pesés. En fait, il se verra perdu et châtié. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui est « arham ar-rahimin », lui pardonnera toutes ses mauvaises actions. La sabab, c'est cette carte où sera inscrit « Ashhadu an la ilaha illallah » parce que cette croyant a dit, a attesté avec sincérité. Donc lorsque la carte de la ilaha illallah sera placée sur un plateau de la balance, elle sera beaucoup plus lourde que tous ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala huwa arham ar-rahimin. Il lui pardonnera et il entrera fil jannah. Le sixième des mérites, al-fadila as-sadisa, annaha hadhihi al-kalima tuhajju an sahibiha yawm al-qiyamah. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال فلما غشينا قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا رسول الله استغفر لي فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Donc le sixième des mérites est que la kalimat la ilaha illallah plaidera en faveur du croyant, pour celui qui l'aura compris, comme on l'a dit, et mis en pratique, comme cité dans ce hadith. Donc là, dans ce hadith, Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, lorsqu'ils étaient fi al-jihad, il s'est retrouvé avec un ennemi. Lorsqu'il a voulu le tuer, son ennemi a dit la ilaha illallah. Et lui, il a cru qu'il prononçait cette parole seulement pour être épargné de la mort. Donc il l'a quand même tué. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, lorsqu'il a appris cela, il lui a dit, comment tu vas faire? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et comment vas-tu faire yawm al-qiyama lorsque cette parole la ilaha illallah va venir? Et c'est ça, al-shahid. Ce qui nous intéresse du hadith, c'est que la ilaha illallah viendra et plaidera pour le croyant, pour la personne qui l'aura dit avec sincérité. Hada min azimi fadliha. Même pour cette personne qui était un ennemi d'Allah, jalla wa ala, qui combattait les as-sahaba, il a fallu qu'elle dise « La ilaha illallah » et elle est rentrée « Fi rahmatillah »« Bi'idhnillahi jalla wa ala »« Kayfa tasna'u bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyamah » كذلك الحديث الآخر حديث المسيب ابن حزن أنه قال لما حضر أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله ثم في آخر الحديث فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام, lorsqu'il s'est rendu chez son oncle qui était malade et mourant, il dit يا عم, mon oncle dit لا إله إلا الله, une parole avec laquelle je pourrais intercéder, je pourrais plaider. Donc il a refusé de dire cette parole et فهو من أهل النار. Il est resté على ملة الكفر. الفضيلة السابعة للسيتم دميريت من هذه الكلمة أن لا إله إلا الله سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها. قال الله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Le septième des mérites من هذه الكلمة ومن هذا التوحيد c'est لا إله إلا الله. لا إله إلا الله est une cause pour que le prophète عليه الصلاة والسلام intercédera en ta faveur si tu l'as dit avec sincérité et avec ilm. Et en mettant en pratique, comme on l'a dit auparavant, comme on l'a cité dans toutes les fada'il, mettre en pratique هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق العباد وخلق الإنسان. Et afin qu'une intercession soit possible auprès d'Allah Jalla wa Ala, il faut la permission d'Allah, comme cité dans le hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام se prosterna puis demanda à Allah Azza wa Jalla d'intercéder, ce qui lui sera autorisé. كذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أدي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال ابن عباس هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. Pour que l'intercession soit possible, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, agré l'intercesseur et la personne pour qui elle intercédera. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aussi dans le hadith que celui qui prononce la ilaha illallah خالصا من قلبه أو نفسه هو أسعد الناس بشفاعتي. La personne la plus méritante de l'intercession du prophète عليه الصلاة والسلام, celui qui dira la ilaha illallah en étant sincère, du plus profond de son cœur. Donc le huitième des mérites, al-fadila al-thamina, anna tawhid sabab li tahrim man qalaha bi sidqin ala an-nar. كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وعن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه. وفي آخر الحديث قال الله تبارك وتعالى لا أخرجن من قال لا إله إلا الله رواه مسلم. Donc celui qui dit la ilaha illallah, celui qui prononce cette parole avec conviction sera préservé du feu. Et par rapport au hadith cité, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, que celui qui dira ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah en étant sincère, le feu sera interdit à cette personne. Kadhalik hadith Anas où Allah jalla wa ala a dit je sortirai du feu man qala la ilaha illallah. Donc de ce hadith, de ces deux hadiths, on comprend deux choses, que les croyants seront en deux catégories. La première catégorie des personnes, des croyants qui rentreront directement fil jannah, donc dont la pesée de leurs œuvres sera supérieure aux fautes. Et la deuxième catégorie de croyants, sont des croyants qui ont prononcé la shahada, la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, mais ils avaient avec eux beaucoup de sayyi'at. Et Allah subhanahu wa ta'ala les purifiera finnar. Lihada qal la ukhrijanna, je ferai sortir du feu. Man qala la ilaha illallah. Ça prouve que ce sont des croyants qui ont commis des erreurs, qui ont passé un temps finnar, et Allah subhanahu wa ta'ala fera entrer au paradis. Et à la fin, lorsque l'on dit que le croyant entrera au paradis s'il prononce ash-shahada, ça sera sa destination finale. Donc soit il entrera directement, ou soit s'il n'a pas fait at-tawba, comme on l'a cité au début de al-kalima, annahu taht mashi'atillah, in sha'a ghafara lah, wa in sha'a 'adhabahu, thumma adkhalahu al-jannah. Le neuvième des mérites, anna la ilaha illallah, c'est la plus grande cause de rentrer fil jannah. Wa minhu al-hadith alladhi dhakarna fima sabaqa an Abi Dhar, wa kadhalik minhu hadith Anas ibn Malik أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام قال أنس بن مالك كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رواه البخاري. وفي رواية من هذا الحديث أن الغلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Le neuvième des mérites qu'on citera dans cette kalima, أن لا إله إلا الله est la plus grande cause de rentrer في الجنة. Et la preuve est ce hadith où il y avait un jeune juif qui travaillait auprès de Rasoul alayhi salatu wasalam qui était tombé malade. Et le prophète alayhi salatu wasalam lui rend la visite et il lui a conseillé, il lui a dit d'embrasser l'islam. Il a dit aslim et rentre fil islam. Il a regardé donc son père lui a dit ati'a abul qasim, obéi à abul qasim sallallahu alayhi wasalam, qui était la kunya du prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Donc il dit dans une autre riwaya du hadith ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Donc en sortant il a dit alhamdulillah qu'Allah l'a sauvé de an-nar, ay بسبب هذه الكلمه. Donc c'est un jeune juif, il a prononcé cette kalima, il est mort et Allah subhanahu wa ta'ala l'a écarté, l'a préservé du feu. Jalla wa ala wa huwa arham ar-rahimin. Al-Hafiz Al-Hakimi rahimahullahu ta'ala qala wa huwa yatakallamu 'an fadli la ilaha illa Allah. Man qalaha mu'taqidan ma'naha wa kana 'amilan bimuqtadaha في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. Donc celui qui prononce cette parole en étant croyant et en ayant la certitude et en connaissant son sens, c'est-à-dire la ma'bouda bi haqqin illa Allah, et personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et qu'il met, cette personne, ce croyant, met en pratique ce qu'elle implique, c'est-à-dire les piliers de l'islam, tous les comportements, comme on a vu les fruits de هذه الكلمة العظيمة, كلمة لا إله إلا الله, comme parole et adoration, cette personne-là, ce croyant-là, mourra en étant croyant, et il sera ressuscité yawm al-qiyamah, victorieux et sans peur et en sécurité. Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faz'in yawma idhin aminun. وقال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Pour conclure هذه الكلمة يقول الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Et le fait de les citer nous donnera inshallah جل وعلا nous aidera à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous les avoir octroyés et rajoutera d'autres ni'am. فإنه الشاكر وهو المعطي. قال الله جل وعلا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Lorsqu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour les ni'am, Allah aime ça et nous rajoutera d'autres ni'am. Comme l'a expliqué l'imam Ibn al-Qayyim par rapport au remerciement des ni'am, shukran ni'am. Donc celui dont Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il fera en sorte qu'il se rende compte de la ni'ma dans laquelle il se trouve. Et remerciera donc Allah Ta'ala ce qui causera la venue d'autres ni'am, et d'autres grâces et d'autres bienfaits. Et il fera attention aux causes qui mènent à leur destruction et aux disparitions. Comme Allah l'a dit, fait l'ayah as-sabiqa, « Wala in kafartum inna adhabi la shadid ». Comment on va remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala ? أعطانا هذا التوحيد. الله سبحانه وتعالى nous a facilité avec نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الدراسة ونعمة التوحيد. Et le fait que الله سبحانه وتعالى nous a facilité pour apprendre من هذه الفوائد, et que le fait de dire لا إله إلا الله n'est pas une simple كلمة, n'est pas une simple parole. Elle comprend beaucoup de choses, donc on se doit d'apprendre le sens de لا إله إلا الله. Donc الله سبحانه وتعالى nous a donné cette نعمة, on doit la préserver. On doit faire le maximum d'efforts pour la préserver et mettre en pratique. Hada at-tawhid. Ce qui est important aussi, c'est préserver cette ni'ma, appeler les gens au tawhid. Et ce qui est aussi important, c'est de s'écarter de ce qui diminue ou bien de ce qui annule hada at-tawhid comme annulatif, tel que l'ostentation, al-shirk. Et là, je vise plus particulièrement ce qui touche les musulmans fi hada az-zaman avec les caricatures. Par exemple, du prophète alayhi salatu wassalam. Il asaf, tu trouves certains qui s'affilient à l'islam sous prétexte de la liberté d'expression, disent ils ont droit de critiquer notre prophète alayhi salatu wassalam. وهذا حرام وهذا من نواقض الإسلام. Ce sont des choses qui font sortir de l'islam. Donc même si tu ne pratiques pas une chose telle que les caricatures, mais le fait que tu les approuves, c'est haram. قال الله جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Il ne faut pas approuver de tels actes comme les caricatures ou autre chose qui diminue, qui annule l'iman. Il faut les rejeter. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف l'iman, quoi qu'elle soit d'accord avec de tels actes. Donc, préserver un ni'ma avec l'apprentissage, la mise en pratique, كذلك النصيحة ولا تدريس, l'apprentissage, et s'écarter de ce qui annule ou bien ce qui diminue. Donc, كذلك le dernier hadith qu'on citera, hadith Abdullah bin Busr, رضي الله عنه, قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربيان, فقال أحدهما من خير الرجال يا رسول الله يا محمد, قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله, وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع, قال لا يزالك لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث العظيم. Où deux bédouins sont venus au prophète عليه الصلاة والسلام. Un lui a dit quel est le meilleur des hommes, يا محمد صلى الله عليه وسلم. Et le deuxième a dit la législation islamique, شرائع الإسلامية. Donc كثرت, donc il y a beaucoup de ibada, beaucoup de choses à faire. Donc babun natamassaku bihi jami', et donne-nous une chose à faire à laquelle on pourra s'y accrocher. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit la yazaluka lisanuka ratban min dhikrillah, et fais en sorte que ta langue ne cesse de bouger pour le rappel d'Allah. Donc c'est ce qu'on doit faire nous aussi par rapport à hadhihi al-kalima allati hiya yasira, c'est une phrase courte, la ilaha illallah walakin laha fada'il 'azima. Et nous, comme on l'a dit, on a cité que quelques mérites, il y en a encore beaucoup plus. Fa nasal Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wal-ikhlas. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina 'adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.